inscris-toi à mon journal. Car dès demain, j'aurai 10 ans. Ils m'ont dit à l'hôpital que je ne serai jamais grand. Qu'une transfusion banale avait contaminé mon sang. Écris à son journal, car demain il aura 10 ans. Ils ont dit à l'hôpital qu'il ne sera jamais grand. Qu'une transfusion banale avait contaminé son sang. Qu'une transfusion banale avait contaminé son sang. Ils aussi. Terminé.